Chapitre 319. La réprobation de demander par le visage d'Allah, sauf pour obtenir le paradis, comme il est réprouvé de repousser celui qui demande ou intercède par Allah Ta'ala. 1722. Jabir radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: on implore d'Allah par son visage que le paradis. Abu Daoud. Hadith jugé faible par Sheikh l'Albani. Rahimahullah. 1723. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: donnez refuge à celui qui le demande par Allah. Accordez à celui qui réclame par Allah. Acceptez l'invitation de celui qui vous invite et rendez le bien pour le bien. Si vous en êtes incapable, alors invoquez Allah en faveur de celui qui a agi en bien avec vous jusqu'à ce que vous estimiez l'avoir suffisamment remercié. Abu Daoud et An-Nasa'i avec des chaînes authentiques.